seuls, des rois, des chefs, des lignes innombreuses, des nations entières sous ton regard. Car nul peuple n'est oublié de toi. Tu observes les routes de chacun, tu connais les histoires que nous ignorons. Tu es le Dieu de toute la terre, celui qui voit au-delà du temps. Tu es Seigneur des nations, ton regard embrasse les générations. Aucun nom n'échappe à ta mémoire, tu règnes sur l'histoire des hommes. Édom bâtit ses montagnes, ses rois régnèrent avant même Israël. Mais toi, tu conduis chaque destinée, tu tisses les chemins invisibles, car tu es Seigneur de l'histoire. Rien ne te dépasse, tu es Seigneur des nations. Ton regard embrasse les générations. Je dépose mon avenir en tes mains, toi qui vois.